pour animer la culture à Montréal, CIBL 101.5. Trois gars sur le sofa avec « C'est pas ce que tu penses ». Monsieur Dion, bonjour. Bon matin. C'est drôle, la semaine passée aussi, c'était trois gars sur le sofa avant ma chronique. Ah oui? Ouais. Je sais pas si c'était la même pièce, mais bref, ouais, quatre gars dans le studio, voilà. Hein? On les aime. On débute cette revue du web cette semaine avec une initiative qui est vraiment géniale, on doit le dire, pour tenter de déjouer le gaspillage d'appareils électroniques. Ouais, gaspillage, obsolescence programmée. Est-ce que tu as déjà entendu ce terme-là? Et oui, une date d'expiration à certains produits. Ouais, c'est ça, exactement. C'est une technique qui vise à réduire la durée de vie de certains appareils et c'est très, très, très courant dans le monde de l'informatique et de l'électronique. D'ailleurs, il y a un reportage sur YouTube où tu apprends qu'il y a une ampoule. Quand ils ont inventé l'ampoule, au début des années 1800, quelque chose comme ça, l'ampoule peut durer des dizaines d'années. Je pense qu'elle fonctionne encore aujourd'hui et ils ont décidé de laisser tomber le concept parce que ça durait trop longtemps. C'est pas rentable pour une compagnie. C'est pas très payant. Fait que je sais pas si l'obsolescence programmée qui est la cause de ça, mais il y a un jeune designer des Pays-Bas qui a mis sur pied un projet qui s'appelle PhoneBlocks, qui consiste à créer un téléphone intelligent modulaire qui est fait de plusieurs blocs. La plupart des composantes du téléphone sont encore bonnes quand on la remise ou quand on le donne ou quand on le jette au bout de 3 ans. Mais c'est justement pour contrer ce gaspillage-là. En fait, ce qui arrive, c'est que... d'ailleurs, je sais pas, moi, tu as vu le lancement des iPhone 5C et 5S avant-hier. Mais voilà, on parle d'un téléphone de quand même que 2 ans, l'ancien iPhone 5, et on passe à d'autres choses, alors qu'il n'y a presque pas de nouveautés. Donc, le concept de PhoneBlocks, il est hyper simple. Il s'agit d'insérer des différentes pièces en blocs de la même façon qu'on monte un truc en Lego. C'est pas compliqué. Alors, t'as la base, t'as l'écran, t'as la mémoire. Puis, par exemple, si tu veux mettre à jour la mémoire seulement ou le CPU ou le disque dur, tu peux à ce moment-là juste insérer le nouveau bloc. J'en rentrerai pas dans les détails, mais on va mettre en ligne la vidéo explicative du concept. Puis c'est vraiment hyper bien fait. Vous irez voir ça. Mais est-ce que ça risque de voir le jour c'est un projet. C'est pas un projet qui vise à amasser de l'argent, mais plus à faire parler du concept. Comme quoi, on dit aux entreprises: réveillez-vous, il est temps de faire quelque chose pour arrêter de jeter ces tonnes de pièces électroniques-là à chaque année. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que ça fonctionne avec la plateforme Thunderclap, où on se rend sur le site et si on supporte le projet, on clique sur le bouton Twitter ou Facebook ou Tumblr, puis... tout d'un coup, le 29 octobre, tous ensemble, les réseaux sociaux vont s'emparer de ce projet-là et la bonne nouvelle va être propagée comme une explosion en une seule date. Alors, c'est sur Thunderclap, on va mettre les liens sur la page Facebook. Bon, on souhaite bonne chance. Oui. Ah, ça c'est assez spécial, le prochain sujet. Ben, c'est pour mettre un peu de soleil dans votre matinée mouillée. Ouais. Du côté de Gawker, on nous parle du nouveau tube de l'été. Du côté de Week, on parle du Gangnam Style de 2013. Et sur le 20minutes.fr, on nous parle du nouveau tube What the Fuck. Ouais, tout à fait. On est loin du milliard de visionnements de Psy et Gangnam Style, mais on a quand même beaucoup parlé de ce clip-là la semaine dernière. Il y a déjà quand même 18 millions de vues. C'est quand même pas si pire que ça. Alors, ce qu'on y voit, deux animateurs humoristes norvégiens, c'est même pas des chanteurs, sont déguisé en renard et il se demande, en fait la chanson c'est quoi le cri du renard. On connaît tous les cris des différents animaux et là il énumère les différents animaux avec leur son respectif et ils savent pas c'est quoi le son du renard. En fait c'est le glapissement là, mais ils savent pas c'est quoi le son du renard, donc la chanson c'est What the Fuck Says, en tout cas WTF Says en même temps là. On va en écouter un extrait, c'est complètement fou. There's one sound that no one knows. What does the fox say? What the fox say? What the fox say? What the fox say? Et vous devriez voir le vidéoclip de cette merveilleuse chanson. Ça me fait penser un peu à Lonely Island là, avec Saturday Night Live là, qui faisait des vidéoclips. Ben, eux, c'est pas mal plus éclaté de, dans le cas de ce groupe norvégien, mais ça faisait penser un peu à ce genre d'humour. C'est complètement fou. Puis le pire, c'est que vraiment, là, je te garantis, tu vas avoir ça te coller dans le cerveau toute la journée. C'est vraiment hallucinant. Ça fonctionne. Le clip est drôle. La toune, c'est vraiment particulier. Voilà. Et on termine avec un Netflix, entre guillemets, là, pour la littérature, pour les livres. Ouais, ben fallait s'y attendre un jour. Les gens, il y a des gens qui étaient pour ça, prendre le modèle Netflix et le mettre sur la façon littéraire. Donc, il s'agit de Oyster, qui est un service par abonnement américain qui permet aux propriétaires de iPhone et de iPod Touch d'avoir accès à plus de 100 000 titres différents et tout ça pour la somme de 9,95 par mois. Donc, tu peux lire les livres que tu veux de façon illimitée. Et ça coûte 9,95 par mois, de la même façon que Netflix fonctionne. Donc, même aussi dans l'interface, ça ressemble beaucoup à Netflix. On parle au niveau de l'exploration, c'est-à-dire que les différents titres sont classés par goût, par intérêt. Il y a aussi l'historique, que tous les titres que tu as lus, on te suggère des trucs. Alors, voilà, c'est malheureusement seulement offert aux États-Unis en anglais pour l'instant et pour iOS seulement. Donc, c'est assez restrictif en ce moment. Mais est-ce qu'il y a des annonces prochaines ou est-ce qu'on envisage... C'est sûr et certain que le modèle canadien va être repris aux États-Unis. En fait, c'est sûr qu'ils vont agrandir aussi le bassin de potentiels lecteurs. Mais pourquoi pas, ici au Québec, se lancer sur une initiative similaire rapidement? Je pense entre autres à soit Renaud Bray ou Archambault, mais peut-être même Entrepôt numérique ou littérature québécoise. Québec, le livre québécois. Voilà. Qui pourrait prendre la même tangente. Mais pourquoi voilà, pas? Donc, idée. Ça s'appelle pour le moment aux États-Unis Oyster. C'est huître. Ça. Une huître. Pourquoi une huître? Est-ce qu'on sait? Ou... J'ai aucune idée. Non. J'ai aucune idée. En fait, ça sonne bien. Mais c'est je veux dire, c'est indiqué sur le site web. En fait, je ne l'ai pas lu. Mais voilà. Merci beaucoup, Patrick Dion. Hey, merci. Et juste pour toi, mon cher, et pour nos auditeurs. Yeah, on se laisse avec un autre extrait de ta merveilleuse chanson. On va l'avoir dans la tête toute la journée. What the fuck say?